Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Jeanne Benoît, pionnière de la cuisine moderne au Québec. Pour moi, une carotte, c'est pas seulement une carotte. Ben voyons donc. Je la regarde et puis je dis pas, bon, je fais bouillir une carotte puis je sers des carottes au beurre. Parce que alors, j'en aurais marre. Depuis 60 ans, j'avais toujours servi des carottes au beurre. Il y a combien de façons de faire une carotte? Oh, il n'y a pas de limite. Ça dépend de votre imagination. Ça dépend des herbes qu'il y a dans le jardin. Ça dépend de mon désir d'y mettre du Cointreau ou du cognac. Ça dépend de mon désir dans de... Dans les carottes? Certainement. Jeanne Benoît dissertant sur l'art d'apprêter une carotte à l'émission de Lise Payette en 1973. Ce succulent extrait montre bien toute la curiosité, toute l'inventivité, toute l'ouverture dont fera preuve Jeanne Benoît tout au cours de sa carrière. Véritable pionnière de la cuisine moderne au Québec, Jeanne Benoît va innover sur plus d'un plan. C'est elle qui ouvrira la toute première école de cuisine à Montréal, en plus d'y posséder un restaurant végétarien dès le début des années 30. Diplômée de la Sorbonne en chimie alimentaire, Jeanne Benoît sera également pionnière de l'écriture de livres de cuisine et de la présentation de recettes à la radio et à la télévision. Et vous avez commencé les premières... Alors, j'ai ouvert la première classe, la première école de cuisine. Je donnais une demi-heure de ce que j'appelais la fondation de la cuisine, de comprendre que c'est quand on disait « faites un roux » ou « faites fondre un oignon » ou si et ça, qu'on se comprenne. Parce que c'est simple aujourd'hui, mais à ce moment-là, personne ne parlait de ces choses-là. Personne n'était au courant. On disait « fais frire des oignons ». Oui, ça, c'est un terme bien vague. La différence entre un bouillon, etc. Alors, je faisais les choses. Par exemple, je prenais un oignon puis je leur montrais toutes les différents stages par lesquels ça pouvait passer et quel était le nom propre. Et j'avais fait venir des livres. Il n'y avait pas de livres. Alors là, j'ai commencé à faire venir des livres français, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas une question de langue française, c'était une question de termes et de poids. Les gens ne comprenaient pas. Alors là, j'ai fait un cours sur tous les thèmes français. Quand on lisait dans un livre français, qu'est-ce que ça voulait? Puis je leur ai appris toutes les choses. Ça, c'était le côté pratique. Jeanne Benoît, à l'émission Actuelle en 1984, pour nous parler du parcours très singulier, le parcours exceptionnel, celui de Jeanne Benoît, et de l'importance qu'elle aura dans l'art de la table chez nous. Je reçois Maude Labonté, qui est historienne, qui a consacré d'ailleurs sa maîtrise à Jeanne Benoît. Maude Labonté, bonjour. Bonjour. C'est assez extraordinaire, cet extrait, parce que ça nous montre à quel point on partait de loin au Québec quand Jeanne Benoît, au début des années 30, ouvre une école de cuisine à Montréal. Quelle importance elle aura, Jeanne Benoît, sur ce qui se retrouvera dans notre assiette au Québec, Maude Labonté? Elle a vraiment démocratisé les bases de la cuisine pour la majorité des Québécois. Elle avait vraiment un souci pédagogique. Donc, je pense qu'elle a doté les Québécois d'un vocabulaire adéquat concernant la cuisine. C'est elle qui invente un peu. On faisait de la cuisine de mère en fille, mais un peu instinctivement. La démarche plus sérieuse, entre guillemets, c'est Jeanne Benoît qui l'amène au Québec. Tout à fait, étant donné qu'elle avait une base scientifique. Oui. Cette base scientifique, elle va l'acquérir à Paris. Ça nous amène à parler un petit peu de son parcours, qui est vraiment, je le disais d'entrée de jeu, mais un parcours exceptionnel pour l'époque en plus. Parlez-nous un peu. Et ce parcours-là, au fond, il trouve ses racines dans ses origines. Parlez-nous un petit peu d'abord du milieu auquel appartient et duquel vient Jeanne Benoît. Bien, en fait, Jeanne Benoît, elle est née à Westmount, donc dans un milieu anglophone, mais ses parents étaient francophones. Donc, Alfred Patnaud et Marie-Louise Cardinal sont ses parents. Son père travaille dans le milieu bancaire et lui va inventer une méthode d'apprentissage de l'anglais. Donc, c'est comme ça, entre autres, qu'elle va devenir parfaitement bilingue. Ensuite, elle va être pensionnaire chez les Sœurs Jésus-Marie, même si l'école est à quelques pas de la maison. Et elle va par la suite entrer au collège chez les religieuses, les Dames du Sacré-Cœur. Et ces dames-là préparaient les élèves au baccalauréat, mais le baccalauréat n'était pas dispensé à Montréal. Mm-hmm. Donc, dans les années 20, elle va vouloir poursuivre ses études. Le baccalauréat français, là, le système français. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, elle va se rendre à l'école Le Cordon Bleu. Ça, encore une fois, c'est un pensionnat. À Paris. À Paris. Et donc, elle a à peine 17 ans, 18 ans, et elle va vraiment découvrir Paris là-bas. Donc, ses musées, ses cafés, son théâtre, etc. Ce qui fait que quand elle revient à Montréal, elle n'a qu'une envie, Jeanne Benoît, c'est de retourner le plus vite possible à Paris, où elle s'est fait une vie sociale. Il y a des amis qui l'attendent à Paris. On l'écoute raconter comment elle réussit son coup, comment elle réussit à convaincre son riche père banquier de le permettre à sa fille de retourner à Paris. Extrait de l'émission Appelez-moi Lise en 1973. Est-ce que vous avez fait un peu de théâtre? Parce que c'était surtout ça. Je suis allée pendant 2 ans chez Dulin, mais pour mon plaisir. Parce qu'à ce moment-là, ma mère d'abord n'a pas voulu entendre parler de théâtre. Alors là, j'allais tout droit quelque part si je faisais ça. Parce qu'à mon époque, ça, c'était très mal vu. C'était en enfer, oui. Alors, j'ai dit, très bien, moi, je voulais retourner. Alors, comme ça, de mon chapeau, parce que j'aimais manger, je dis, bien, très bien, je vais aller faire des études en chimie alimentaire. Je trouvais que ça sonnait très bien aux oreilles de mon père. Même encore aujourd'hui. Mais je ne savais pas si ça existait, c'est ce qui est le plus terrible. Alors, après l'enseignement, on a trouvé que ça existait. Alors, j'ai dit, très bien, j'y vais. Il fallait tout de même que j'ai les bons souhaits de mon père pour y retourner. Alors, j'ai dit, j'y vais, rendu là-bas, je me débrouille comme je peux et j'y reste. Alors, tous mes amis m'attendaient là-bas. Et puis, j'ai commencé mes cours à la Sorbonne avec le docteur en chimie alimentaire. Et c'était un professeur extraordinaire. Et je me suis prise à mon propre jeu, probablement parce que je n'avais aucun talent comme actrice et que mon métier et mon désir étaient vraiment la table. Alors, quelle importance ça aura pour Jeanne Benoît, Maud de la Bonté, ses études à la Sorbonne? On entend à peine le nom de ce fameux professeur, mais ce sera déterminant pour elle, sa rencontre à la Sorbonne avec le professeur Édouard de Pomiane. Oui, il faut savoir qu'Édouard de Pomiane, en fait, c'est un chef français quand même assez réputé à cette époque-là. Il est d'origine polonaise et il a écrit, bon, entre autres, « Bien manger pour bien vivre » et « Le code de la bonne chère ». C'est lui qui va lui enseigner la chimie alimentaire. Il va vraiment avoir une grande influence sur Jeanne Benoît, étant donné que c'est lui qui lui fait découvrir son talent pour la cuisine. Et elle a la piqûre, là, comme elle le disait à Lise Payette, elle se fait prendre à son propre jeu. Elle fait ses études à la Sorbonne, mais elle travaille en cuisine aussi, les étés, entre oui, autres. Oui, tout à fait. À Paris, elle est dans des grandes cuisines, de bons restaurants parisiens. Oui, et même de province oui. Aussi. Donc, elle va se promener encore une fois, suivre les cours de théâtre qui vont l'aider lorsqu'elle fera par la suite des démonstrations culinaires dans des cinémas ou des théâtres comme le Théâtre Saint-Denis. Mm-hmm. Puis à la radio, à la télé aussi, oui, on va y venir dans un instant. À la fin de ses études à la Sorbonne, elle décide quand même, je dis quand même parce que son professeur, Édouard de Pomiane, voulait qu'elle reste en oui. France. Elle décide de partir. Non, je rentre au Québec. Pourquoi? Bien, c'est sûr qu'elle avait en tête de changer les habitudes alimentaires du Québec et toutes les méthodes culinaires également. Je pense qu'elle ne voulait pas non plus s'arrêter au Québec. Elle avait une grande vision même de changer les méthodes culinaires au Canada. Mm-hmm. Ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle fait de fait quand elle revient? Au Québec, à Montréal? Bien, rapidement, ça, on connaît peu de choses à propos de ça, mais elle a une relation, donc elle va marier un homme, Carl Otto Zimmermann, ils vont avoir une fille ensemble, Monique, et par la suite, bon, ils vont se séparer, et c'est là qu'elle va fonder son école de cuisine bilingue qui s'appelle Au Fumet de la Vieille France. C'est la première école de cuisine laïque francophone. Il faut savoir que pour l'époque, c'est vraiment innovateur étant donné que les arts ménagers sont réservés aux religieuses dans le milieu francophone. Ouais. Donc, cette école-là remporte quand même un certain succès. Là. Il y a 8000 étudiants qui vont y aller pendant environ 4 ans, même si elle va y enseigner pendant 5 ans. En 1933, pendant qu'elle continue donc de donner des cours de cuisine le jour à ses étudiantes, elle ouvre, c'est pas rien quand même, 1933, un restaurant végétarien à Montréal. Il n'y a pas dû en avoir une tonne de restos végé à Montréal en 33. Non, c'est un des premiers restaurants végétariens, même au Canada. Donc, au début, l'idée, c'était de nourrir les gens qui allaient à son cours. Ensuite, bon, il faut aussi voir que dans ce contexte-là, elle est mère monoparentale. Elle donne donc des cours de cuisine le midi. Le soir, elle a le restaurant. Et juste avant de se coucher, elle commence déjà à écrire des recettes pour des livres de cuisine. Donc, ça n'arrête pas pour elle un rythme assez intense. Elle va partir, elle va rencontrer un autre homme, en fait. Oui. Bernard Benoît, et elle va le suivre. Elle retourne donc en Europe. Oui, tout à fait. Bernard Benoît, disons-le, est quand même 13 ans son cadet. Donc, encore une fois, elle est séparée, elle rencontre un jeune homme. Elle dit qu'elle a été enchantée par ses belles mains et sa voix chaleureuse, radiophonique. Donc, lui va devoir quitter pour la Seconde Guerre mondiale, s'enrôler, partir donc... vers l'Angleterre. Son restaurant, le Salad Bar, va malheureusement être incendié. Elle va devoir le fermer. Ouais. Elle va participer peu à peu à donc, des émissions de radio, mais étant donné que c'est la Seconde Guerre mondiale, bien, ça va être vraiment sous l'angle du rationnement et de l'économie. Donc, un côté très pratique. Ça va la suivre toute sa vie, en fait. Elle veut que ce soit que la cuisine ce soit accessible, que ce soit facile, que ce soit pratique, que ce soit concret. Donc, petite parenthèse, avec son mari en Europe, pendant la guerre. Elle revient au pays en 1946. Et là, vraiment, elle a eu cette petite expérience médiatique avant de partir. Mais c'est là que vraiment ça décolle, sa carrière médiatique. Ça explose, vraiment. Elle va collaborer, oui, à des émissions de radio. Elle va faire plusieurs conférences, comme je le disais tout à l'heure, là, de démonstrations culinaires devant de grands auditoires au Théâtre Saint-Denis, par exemple. Elle va être alliée à des compagnies publicitaires. Elle va créer soit des publicités ou des livres de cuisine pour plusieurs compagnies comme Fry Cadbury, le Ridenti. Et ça, de fait, petite parenthèse, mais en préparant l'émission, je me rendais compte, ça peut étonner, d'une certaine manière en tout cas, ça peut nous étonner avec nos yeux d'aujourd'hui, mais elle n'a aucune, j'allais dire, pudeur. En tout cas, toute sa vie, elle va travailler étroitement avec certaines marques, avec certaines entreprises, en faisant de la pub, en écrivant, comme vous dites, des livres pour une compagnie précise. Ça fait partie de sa vie, ça. Oui, mais je dirais que ça fait vraiment aussi partie de l'époque. Ouais. Il y a plusieurs cuisinières qui s'associent comme ça avec des compagnies pour créer des livres de cuisine. Mm-hmm. Donc, vraiment, elle est partout à ce moment-là, à partir des années 40, à la radio, à la télé, Fémina, l'émission Fémina, trois fois par semaine. Elle va aussi, c'est important, de 49 à 58... diriger les pages culinaires de la Revue moderne. Oui, tout à fait. Et moi, dans mon mémoire de maîtrise, c'est vraiment ça, c'est les recettes que j'ai étudiées. Et donc, à la Revue moderne, elle propose plusieurs types de chroniques à ses lectrices. Donc, il y a par exemple la cuisine éclair, où est-ce qu'elle va proposer d'utiliser le cuiseur à pression pour réaliser des recettes vraiment express. Mm-hmm. Ou encore Madame reçoit, là, cette chronique-là, c'est un peu plus des recettes pour des occasions spéciales. Par exemple, Madame reçoit après l'opéra. Ouais. On voit que c'est vraiment un autre niveau. Là. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est présent aussi toute sa vie. Il y aura sa grande encyclopédie dont on parlera dans un instant, mais ce double niveau de permettre la cuisine aux femmes, parce que c'est les femmes qui cuisinent à cette époque-là, de cuisiner au jour le jour, facilement, rapidement, et la cuisine plus recherchée. Ces deux niveaux-là sont tout le temps là. On va l'écouter, puis on reviendra sur ce qu'elle propose, c'est quoi sa vision de la cuisine et quel genre de communicatrice elle est aussi. Mais on l'écoute d'abord, juste pour nous mettre un petit peu dans le ton qu'elle avait, Jeanne Benoît. Elle fait une recette de gâteau à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1960. Dans les quelques minutes que j'ai, je vais vous montrer comment vous y prendre pour faire un gâteau très facile. On commence d'abord par 3 œufs, parce que si vous vous souvenez des chiffres, ça va être très facile. Alors, j'ai 3 œufs dans mon bol. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pencher le bol et de battre les œufs. On les bat jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés, les jaunes et les blancs. Ici, j'ai 3/4 de tasse de sucre. Vous voyez le 3 qui revient encore. Et là, on peut mettre soit une cuillerée à thé de vanille, hop, voilà, une cuillerée à thé de vanille, ou alors on met 2 cuillerées à soupe du même alcool qu'on veut mettre sur le gâteau, rhum, cognac, bourbon, enfin, ce que vous voulez. Et comme je mets de la vanille, alors là, je vais prendre une orange et je râpe un peu de la pelure de l'orange au-dessus de mon gâteau pour lui donner la saveur d'orange et de vanille, ce qui est très bon dans un gâteau fruit. Je secoue comme ceci. Et on va mélanger le sucre et les arômes, qui peut être l'alcool, la vanille ou enfin ce que vous employez. Ça se fait encore une fois très vite. C'est toute une époque, en fait, qu'on entend dans cet extrait-là, Mot de la bonté. C'est assez formidable comme extrait. Un petit mot sur... Évidemment, toute chose étant relative, là. À ce moment-là, on est à la fin des années 60, dans ce qu'on vient d'entendre. Mais quel genre de communicatrice c'est? Il y en a plein d'émissions de cuisine aujourd'hui. Quand on regarde avec le recul, quel genre de communicatrice c'est, Jeanne Benoît? Mais je pense que son langage, c'est un langage très courant, très pratique. Bon, bien sûr, elle roule ses R, donc c'est très imagé. Ouais. Et elle aime ça romancer un peu aussi, ses recettes, les contextualiser. C'est une conteuse. Tout à fait. L'aspect comédien. Moi, en préparant l'émission, je peux vous dire, on a entendu un extrait sur la carotte au tout début de l'émission. J'aurais pu vous présenter un autre extrait sur la carotte où elle dit exactement le contraire. Donc, je pense qu'elle s'adaptait à son public, belle joueuse. Il y a cet aspect-là, comédien, chez elle tout le temps. Sa vision, au-delà de la façon dont elle communique sa passion, son art de faire de la cuisine, quelle vision elle a, autant dans les pages de la Revue moderne que dans ses émissions à la radio, à la télé. Quel est l'objectif qu'elle poursuit, Jeanne Benoît? Mais pour moi, son objectif, c'est vraiment un souci pédagogique, étant donné qu'elle va vraiment s'adapter à la réalité des Québécoises de l'époque. Moi, étant donné que je me suis vraiment intéressée aux recettes étrangères qu'elle propose dans la Revue moderne, j'ai remarqué que, peut-être par exemple dans sa chronique « Ma fourchette voyage », elle va proposer des substitutions d'ingrédients pour que la cuisinière le fasse, étant donné que certains ingrédients sont peu accessibles. Donc, au lieu de prendre du salami, elle va expliquer que la cuisinière pourrait prendre un saucisson fumé ou bien au lieu de prendre du basilic, si elle n'en trouve pas, elle pourrait le remplacer par de la sarriette. Donc, l'idée, c'est de s'ouvrir sur ce qui se fait ailleurs, hein, amener quelque chose de différent dans notre assiette, mais s'adapter, c'est pas obligé d'être la même chose. L'esprit, il faut retrouver l'esprit de Québécois, l'Italie ou l'esprit de Grec à Montréal, avec ce qu'on a ici. Oui, parce qu'il y a quand même un souci d'authenticité. On va quand même retrouver l'ail, on va quand même retrouver, même en 55, elle va déjà proposer le parmesan, d'ajouter de l'origan à certaines recettes, ce qui est vraiment... innovateur. Là, on ne voit pas ça nécessairement dans la cuisine raisonnée. Elle retourne à Paris. Paris va faire partie de sa vie vraiment tout au cours de son existence. Elle y retourne au début des années 60 et c'est là que Jeanne Benoît va écrire sa fameuse encyclopédie de la cuisine canadienne. Madame Benoît, cette encyclopédie est sûrement la conséquence d'un travail assez long. Alors, c'est le travail d'une vie. Parce que pour pouvoir écrire une encyclopédie de 52 chapitres et de 1056 pages, et ça demande beaucoup de matière, et puis cette matière, elle ne peut pas se trouver comme ça dans l'air, quoi. Il faut prendre bien des années de réflexion, d'études, de connaissances pour arriver à l'écrire. À qui cette encyclopédie est-elle destinée? Elle est destinée à la jeune femme qui ne sait absolument rien faire au point de vue cuisine et puis qui doit apprendre parce que c'est nécessaire, et aussi à la gourmande, la raffinée, qui est bonne cuisinière et qui aime à faire sauter ses crêpes et à flamber ses canards, etc. Quelle est la répartition, justement, de cette orientation du livre? Quelle est la part faite pour la jeune cuisinière et quelle est la part faite pour la gastronome? Eh bien, la part faite pour la jeune cuisinière, c'est qu'au commencement de chaque chapitre, j'ai une explication des règles fondamentales de l'aliment du chapitre. Comme au chapitre des viandes, il y a les règles fondamentales de la cuisson des protéines qui touchent à toutes les viandes. Alors, quand une jeune femme n'a jamais fait cuire un rôti ou une côtelette, la première chose qu'elle doit faire, c'est de lire avec attention et même, je dirais, d'apprendre par cœur les deux pages d'explication. Et là, quand elle a fait ça, elle n'a même plus besoin des recettes qui suivent. Elle a tout simplement à faire son petit travail sans se préoccuper de rien, à bien suivre les règles et les appliquer, qui sont très faciles d'ailleurs, et chaque règle est expliquée à fond. Et elle va faire tous ses rôtis à la perfection, parce que quand elle en fera un, elle en fera 10. Jeanne Benoît, au micro de Jean Garneau à l'émission Métro Magazine en 1963. Ce sera important pour elle, mais plus que pour elle, pour l'ensemble de la société québécoise et canadienne, cette encyclopédie canadienne de la cuisine. Quelle importance ça aura, Maud de la Montée? Quel impact aura la publication de cette encyclopédie? Bien, faut dire, je pense que tout le monde connaît, sa mère ou sa grand-mère a l'encyclopédie à la maison. Donc, faut dire que ça a été publié à 2 millions d'exemplaires. Donc, ça a été réédité. Quand on dit 2 millions d'exemplaires, ça inclut les versions françaises et anglaises. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est vraiment un livre de base qui est présent dans tous les foyers québécois ou presque et qui va justement donner, oui, un vocabulaire adéquat, mais des références... pour commencer à cuisiner. Avec les deux niveaux, là, le niveau primaire, mais aussi un petit peu plus sophistiqué pour la gourmande. Tout à fait. Disait Mme Benoît dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Ce qui est fascinant avec Jeanne Benoît aussi, c'est qu'elle va faire que sa carrière va être très, très longue. Elle va s'adapter au fil du temps, aux nouvelles tendances. Le côté avant-gardiste de Jeanne Benoît est là tout au cours de sa vie. Un petit mot quand même, à 70 ans, plus de 70 ans, elle se met... Elle prend le virage du four micro-ondes. Eh oui, c'est fou. 70 ans, elle devient la pionnière. Donc, à cette époque-là, elle habitait à Sutton. Donc, on dit que dans sa cuisine à Sutton, elle avait plusieurs fours micro-ondes, même pas seulement de Panasonic, de plusieurs entreprises. Et elle a refait, dans le fond, son encyclopédie en testant les cuissons selon différents modèles. Puis ce qui l'a attirée, dans le fond... dans ce nouvel appareil-là, c'est que pour elle, ça répondait à vraiment toutes les connaissances qu'elle avait acquises en chimie alimentaire à la Sorbonne. Donc, adapter carrément sa Bible, oui, en fonction du micro-ondes. Il faut le faire. C'est difficile de départager parce que son héritage, il est évidemment immense. Si on avait à essayer de résumer de quelle manière elle a été importante, quel héritage elle laisse dans l'art de la table et de la cuisine chez nous? Bien, c'est sûr qu'elle a donné des conférences, elle a participé à plusieurs émissions de radio, de télévision à travers le pays. Donc, elle a vraiment marqué l'imaginaire de la cuisine québécoise. C'est un personnage à l'époque. C'était une vedette, on la connaissait, on la reconnaissait, Jeanne Benoît. Tout à fait. Ouais. C'est ça, elle est entrée dans les foyers québécois par toutes ses publications. Elle a publié au moins une cinquantaine de livres de cuisine. Elle est reconnue pour son encyclopédie, mais elle en a écrit beaucoup d'autres. Et bon, avec justement ses connaissances culinaires, son parcours hors du commun, je pense qu'elle a vraiment inspiré plusieurs femmes. S'il y avait, je pense que quoi, 7000 recettes, enfin ça se compte plus les recettes qu'elle a faites, Jeanne Benoît, parmi toutes ces recettes, est-ce qu'il y en a une ou deux ou trois, enfin les recettes célèbres de Jeanne Benoît? Je pense que chacune des familles au Québec a peut-être sa recette la plus connue. Mais moi, celle que je trouve la plus mythique, en fait, c'est celle de l'écureuil au vin blanc. Ah bon? Donc, rapidement, c'est... on fait un bouillon avec un consommé, du vin blanc, un oignon, du romarin et du persil. Elle dit ensuite qu'il faut, bon, plonger les écureuils dans le bouillon brûlant. Ça dit pas où trouver les écureuils, mais bon. Et, bon... On roule les morceaux d'écureuil dans les œufs et la farine de maïs. On les dore dans la poêle et finalement, on réduit le bouillon pour en faire une sauce légèrement épaisse. Ben, c'est à vous de décider si vous allez vous mettre à la cuisson de l'écureuil. En tout cas, quand on disait avant-gardiste, il n'y a pas si longtemps encore, on a recommencé à parler. Il y a des gens qui, à Montréal, en tout cas, parlaient de permettre la chasse à l'écureuil. Hein? Jeanne Benoît n'était pas très loin. Merci beaucoup, Maude Labonté. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci. Maude Labonté, qui est historienne et qui a rédigé sa thèse de maîtrise justement à propos de Jeanne Benoît. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.